Chapitre 8. Le vertige. La vengeance. La malheureuse Hélène songeait bien à cela en se revenant de la rue Lincoln. Le coup subit qu'elle venait de recevoir avait été trop fort pour laisser place en elle un autre sentiment que celui de la douleur la plus continue, la plus écrasante. À la table du dîner, le soir, puis la nuit, retirée seule dans sa chambre, toute lumière éteinte et ne dormant pas, puis le jour qui suivit cette nuit, et les autres nuits et les autres jours, pendant 2 semaines, ce qu'elle apercevait, sans relâche, avec la même évidence atroce et ininterrompue, c'était le fait brutal, enfin saisi dans son indiscutable réalité, son amant ne l'avait jamais aimé. Pas une minute, non, pas une minute, puisqu'en la possédant pour la première fois, il avait cru posséder l'ancienne maîtresse de M. de Varade, et peut-être d'autres. Les sourires, les silences, les sécheresses, les défiances d'Armand, elle se les expliquait aujourd'hui, et tout son être se révoltait contre une si meurtrière injustice quand elle comparait ce qu'elle avait donné à ce qu'elle avait reçu. Et quoi? Les délicatesses tendres de ses rêves, la noble folie de son cher amour, l'idolâtrie de ses extases, la sincérité des sacrifices accomplis sans regret, sans remords, pour rendre heureux celui qu'elle aimait, tout cela s'en était allé vers un mensonge, dans le vide, aussi vainement que les feuilles poussées par le vent le long des allées du vieux jardin où ils s'étaient promenés ensemble, inutilement, comme les poussières qu'un ray de soleil faisait danser au bord de la fenêtre du petit appartement, durant les après-midi passés à s'aimer. Passés à s'aimer? Oui, elle avait aimé profondément, follement aimé, pour rien, hélas, pour se voir juger comme une femme qui passe d'une aventure à une autre, qui a dégrafé sa robe pour celui-ci, pour celui-là, qui collectionne des sensations ainsi que d'autres, des éventails ou des bibelots. Ah, cette injustice, elle ne pouvait pas la supporter. Être privée de voir Armand, car au lendemain de cette explication si tragique pour elle, Alfred avait reçu un mot de son ami lui annonçant une absence momentanée et nécessitée par des affaires d'intérêt. Oui, être privée d'Armand était une souffrance, mais contre cette souffrance elle avait une arme, le mépris que lui inspirait la misère de cœur de son amant, l'implacable égoïsme de l'homme mis à découvert par le dernier entretien. L'iniquité de ce même être qu'elle avait tant chéri, comment jamais y accoutumer son cœur? Il se serait séparé d'elle brusquement, indignement, mais en reconnaissant combien elle l'aimait, elle n'aurait pas souffert ce qu'elle souffrait. Le martyr, l'intolérable martyr était là, dans cette impuissance de son amour à se faire non point partager, mais seulement comprendre. Elle était comme un condamné à mort qui veut bien mourir, mais pour qui le pire supplice est de ne pas crier avant de mourir « Je suis innocent ». Lui avait-il assez fait sentir l'arrogant outrage de son honneur d'homme, car c'était au nom de cet honneur qu'il l'avait sacrifié? Ah, s'il l'eût aimé, qu'il aurait fait bon marché de cet honneur, comme elle avait fait, elle, bon marché du sien. Mais comment l'eût-il aimé, puisque dès la première heure, il l'avait jugée une menteuse? Elle arrivait, lui disant « Je me suis gardée à toi ». Et il songeait « Après M. de Varade ». Toutes les preuves de sa tendresse, les lui avait-elle prodiguées, étaient venues se briser contre cette invincible conviction. Et cependant, cette tendresse était si vraie, mon Dieu, vrai comme sa vie qui n'avait commencé que du jour où elle l'avait connue, et elle entendait sa voix. Nous étions 2 personnes d'expérience. Est-ce que vous croyez que je ne connais pas votre vie? Ah, l'injustice, la hideuse injustice! Elle s'ensanglantait le cœur à cette pensée. Elle allait, venait, en proie à une fièvre continue, et ne trouvant pas plus de repos pour sa pauvre tête brûlante que pour son pauvre cœur saignant, et tout se mélangeait en elle. Le désespoir d'un bonheur à jamais perdu, le regret poignant de son aimé absent, la fureur d'avoir été méconnue dans le plus véridique, le plus noble de ses sentiments. Se repentir d'avoir appartenu à ce cruel Armand avant cette heure de sa déception suprême, elle ne le pouvait pas. L'amour, le sublime amour, l'avait précipité à cet acte, sublime comme lui. Le sublime amour? Non, s'écriait-elle maintenant, l'insensé, l'aveugle amour. Et indéfiniment, elle se promenait dans sa chambre, de long en large, comme une bête en cage, et toujours, comme un imbrisable mur, Elle se heurtait à cette idée. À quoi bon avoir aimé ainsi, à quoi bon? Un mensonge, mensonge, mensonge! Ce qui achevait de l'irriter, dans la mortelle crise qu'elle traversait, c'était la sollicitude tendre et inopportune de son mari. Comme il ne soupçonnait rien du drame qui se jouait en cette âme malade, il lui arrivait de lui dire, croyant lui montrer une perspective agréable, « Nous ferons un voyage aussitôt que je serai libre. Peut-être Armand viendra-t-il avec nous ?» Ou bien encore, « Je m'étonne de ne pas avoir de nouvelles d'Armand. Est-ce qu'il ne t'a pas écrit ?»« Non, » répondait-elle. Alfred se reprochait maintenant l'entretien qu'il avait eu avec son ami, persuadé que ce dernier était parti en voyage seulement pour épargner sa jalousie. Il pensait à la mélancolie de sa femme. Il se l'expliquait de moins en moins, et il se disait qu'il l'avait privée d'une de ses rares distractions. Elle, au contraire, éprouvait un profond sentiment d'amour-propre, irrité à rencontrer ainsi la confiance de son mari, qui contrastait par trop avec l'horrible méfiance de son amant. Et puis, ces projets de voyage en commun évoqués par Alfred, n'était-ce pas ceux-là même qu'elle avait caressés autrefois? Il lui montrait avec trop de précision ce qui aurait pu être, ces mois d'été dont elle avait par avance imaginé l'intime fête. Ils auraient vécu ensemble près de la mer, dans un de ces villages de Normandie dont les arbres verdoient jusqu'au bord des vagues bleues. Peut-être aurait-il vu ensemble quelques-unes de ces villes d'Italie dont le nom seul semble envelopper une promesse de bonheur dans la lumière. Puis, rien que la glaçante solitude, rien que l'abandon. Il ne lui avait pas écrit un billet depuis leur rupture, une ligne de pitié. Mais pourquoi aurait-il eu pitié d'elle? Sans doute il la croyait déjà consolée, au bras d'un autre, peut-être. Pourquoi non? Il l'avait bien jugée capable d'avoir eu Varade avant lui. Deux amants, trois amants, dix amants, que fait le chiffre quand il n'y en a plus d'un? De journée en journée, cette cuisante douleur de l'injustice devenait plus cuisante en elle. Et cette douleur aboutissait à une idée morbide et folle, la seule, pourtant, qui satisfit un peu la rage de désespoir qu'elle avait au cœur. Oui, elle concevait, dans ses heures d'angoisse, la criminelle pensée, puisqu'elle avait été jugée capable d'affreuses actions, de les commettre en effet, de ressembler à l'image qu'Armand s'était faite d'elle, à cette femme facile et galante qu'il avait cru posséder. La vie morale, comme la vie physique, a ses fièvres de suicide, ses frénésies de perdition. Il y a des minutes où il nous faut à tout prix abdiquer notre personne intérieure, l'assassiner, devenir un autre être. C'est l'injustice surtout qui produit de ces crises, mystérieuses mais si nécessaires, si naturelles, que même les enfants y sont soumis, comme les animaux. Être battu sans l'avoir mérité ne rend-il pas mauvais les meilleurs? Plus Hélène se sentait irréparablement méconnue, plus une attraction effrayante la poussait à devenir justement le contraire de ce qu'elle était autrefois. Un vertige s'emparait d'elle et comme un délire d'abaissement. C'est être trop dupe, se disait-elle, que d'avoir du cœur. Cet appétit de la destruction, qui entre en jeu chez toutes les créatures, en même temps que le sens de l'amour, se retournait sur elle-même. Elle se prenait à s'attaquer à sa nature intime, systématiquement, comme certains hommes se grisent, dans des circonstances analogues, verre à verre, malgré les dégoûts, et pour ainsi dire, par devoir. Elle commença de manifester, dans l'ordinaire de la vie, de singuliers phénomènes de gaieté nerveuse. Elle, qui, jusque-là, détestait les conversations légères, elle affecta de tenir des discours remplis des plus directes allusions aux choses de l'amour. Elle fit venir, pour les avoir sur la table, les ouvrages dont elle avait entendu parler ces dernières années, comme étant les plus audacieux. Elle fut saisie comme d'une furie de plaisir, et chaque soir, c'était une partie de théâtre où elle entraînait Alfred, et elle parlait de ses intentions de retourner dans leur monde, et elle s'occupait avec une activité surprenante du déguisement qu'elle porterait à un bal costumé chez les Malour, ce bal pour lequel Armand avait dû lui choisir une toilette. Sa voix était comme montée d'un ton, elle riait d'un rire plus sonore, et à chacune des démonstrations de cette douloureuse gaieté, Alfred se sentait malgré lui envahir par une inquiétude indéfinissable, tant elle avait dans les yeux cet éclat extraordinaire, dans les gestes ces saccades nerveuses, dans la parole ces brusqueries qui font craindre que la femme capable de regarder, de gesticuler, de causer ainsi, ne soit subitement prise d'un accès de démence et qu'elle ne commette une action extravagante et irréparable. Elle fut plus étrange encore au matin du jour où elle devait se rendre à ce bal des Malours. C'était, depuis sa brouille avec Armand, la première fois qu'elle allait dans une soirée. Elle ne descendit pas pour le déjeuner. Alfred, assis à la table carrée, avec le couvert de sa femme mis en face de lui et son fils à sa droite, mangeait sans parler, en proie à la détresse grandissante que lui infligeait la douloureuse bizarrerie des allures d'Hélène. Cette dernière ne semblait plus se douter de l'existence du petit garçon. « Bonjour, mon enfant. Bonsoir, mon enfant. » Et c'était presque tout. Elle, mère si tendre d'habitude, on eût dit que l'instinct maternel était paralysé en elle, et c'était momentanément vrai. L'idée fixe produit sur le cœur le même effet qu'un point brillant et immobile sur nos yeux. Elle hypnotise l'être qu'elle domine et circonscrit sa sensibilité à un tout petit cercle de sensations. Il était impossible à la malheureuse femme de sentir quoi que ce fût au sujet de son fils, parce qu'il lui était, dans son état d'aliénation lucide, impossible de sentir la réalité de l'existence de ce fils. Le petit garçon était hissé sur sa chaise haute ce matin-là, ayant sur son visage cette expression à la fois triste et désorientée d'un enfant qui souffre et qui ne comprend pas pourquoi il souffre. Une profondeur d'infinie douleur était dans ses yeux, et rien qu'à voir comme il mangeait, du bout des dents, son père se rendait compte qu'une peine cachée tourmentait cette tête bouclée, et il lui dit « Est-ce que tu n'as pas été sage ce matin, que tu es si triste ?»« Si, j'ai été très sage, » fit Henri, et il se tut. Puis subitement, « Papa, qu'est-ce que c'est qu'un préjudice ?»« C'est un tort que l'on fait à quelqu'un injustement. Pourquoi me demandes-tu cela ?»« Parce que Miette a dit l'autre jour qu'on avait porté préjudice à son cousin auprès de leur oncle. » Ce mot, entendu pour la première fois et à demi compris, avait frappé son imagination d'enfant, et il continua. « Est-ce qu'on pourrait me porter préjudice auprès de toi ou auprès de maman ?»« Quelles idées vas-tu te mettre dans l'esprit ?» répliqua le père. Il venait de sentir que son fils lui-même s'apercevait du changement d'humeur de sa mère. Il le regarda, et il ressentit cette envie de pleurer qui saisit les hommes demeurés veufs en face de leur enfant orphelin. « Pauvre petit, qui a perdu les plus grands des biens d'ici-bas, qui ne le soupçonne point, et qui cependant pressent et devine l'irrémédiable infortune. » Le père et le fils gardèrent le silence, et voici que, par la porte de la salle à manger demeurée ouverte, une voix arriva, celle d'Hélène, qui achevait de donner un ordre à une ouvrière. « Pour 9 heures alors, bien exactement. » Elle s'occupait de sa toilette de bal. Elle n'était pas là. Où son regard, où son sourire auraient mis un tel rayon de joie, et Alfred songea au désastre à la fois incompréhensible et invincible qui les avait tous amenés là, lui, leur fils et elle, elle surtout. Mon Dieu, qu'avait-elle ? Il y songeait encore, bien des heures plus tard, dans le coupé qui les emportait tous les deux vers la rue du Bac, où demeuraient les Malours. Elle était dans le coin de la voiture, ses cheveux poudrés, deux mouches au coin de sa joue amincie et pâlie. Cette poudre et ces mouches, et le rien de noir qu'elle avait posé autour de ses yeux où éclatait la flamme de la fièvre, donnaient à sa beauté quelque chose de dangereux, d'inquiétant, de plus inaccessible que jamais à l'homme qui se tenait à côté d'elle et la regardait sans oser lui parler. Son cou sortait, mobile et gracieux, de la fourrure qui cachait son déguisement de bouquetière Louis XV. Elle avait des bas de soie rose, des souliers de satin rose, une jupe à fleurs, et dans son âme, ce mortel mélange de frénésie et de désespoir d'une femme qui se perdrait avec délices pour rien, pour être perdue, et que ce fût à jamais. Elle regardait, à travers les fenêtres du coupé dont elle avait baissé la vitre pour aspirer un peu de l'air vif de la nuit, les maisons défilées, et le tableau de Paris après le travail du jour. Au rez-de-chaussée, les boutiques flamboyaient. Des cafés ouvraient leurs portes à des consommateurs. Le vent faisait courir un frisson sur des flammes de gaz qui dessinaient des annonces de théâtre. Le long des boulevards, comme sur l'avenue de l'Opéra, comme dans la rue des Tuileries, une foule remuait. Que cherchait cette foule ? le plaisir, et rien que le plaisir. Elle avait, elle, poursuivi un idéal qui s'était trouvé si menteur. Il était temps de vivre comme les autres. L'amusement d'une femme, c'est la coquetterie, c'est les intrigues. Elle serait coquette, elle aurait des amants, oui, des amants. Elle se répétait ces mots en pensée avec une fureur singulière, car le visage de l'homme qu'elle avait aimé venait de reparaître dans sa mémoire, et avec lui, la palpitation du cœur avait recommencé, insoutenable. Ah, entre ce visage et elle, entre ce souvenir et son cœur, elle mettrait d'autres visages, d'autres souvenirs. Comme il s'était joué d'elle, cependant. Elle sentait pour lui, maintenant, à certaines minutes, une véritable haine. Par une espèce de cristallisation à rebours, elle multipliait autour de l'idée d'Armand qu'elle portait dans son esprit les raisons de rancune, et elle le calomniait, pour elle-même, avec acharnement. Est-ce que toute sa conduite avec elle ne portait pas la marque d'un calcul abominable et quotidien? Quand il l'avait suppliée de lui appartenir, sous le prétexte qu'il ne croirait pas à son amour sans cette preuve, c'est qu'il ne voulait pas échouer, ou un autre avait réussi. Était-ce vrai seulement qu'Alfred fût jaloux? C'était là sans doute un prétexte inventé pour la rupture. Et ce nom de Barade, l'avait-il assez gardé en lui pour ne le jeter en face de sa maîtresse qu'au dernier moment, et sans lui laisser le loisir de se justifier? Elle aurait dû parler, chercher d'anciennes lettres, trouver quelques témoignages. Pourquoi faire? Est-ce qu'il l'aurait cru une seconde? Et se meurtrissant de nouveau à cette pointe empoisonnée de l'injustice, elle détestait tous les hommes dans cet homme. Elle enviait celles qui se jouent de cette race odieuse, les coquines, qui prennent les devants dans ce duel de la défiance et qui trahissent les premières. Comme elle aurait voulu être l'une d'elles, avoir réellement eu 10 aventures avant celle d'Armand, et pouvoir le lui dire, et s'avilir, et l'avilir, et tout souiller en elle, autour d'elle, et son âme, et son corps, d'une souillure qu'aucune eau ne laverait. Elle subissait dans cette voiture une de ces tempêtes de sentiments comme il lui en fallait traverser plusieurs, le jour et surtout la nuit, car elle n'avait pas dormi 2 heures sur 24 durant ces 3 semaines. C'était comme une marée d'amertume qui montait en elle, et le tournoiement de ses idées se faisait si rapide que toute notion des choses ambiantes s'effaçait de sa conscience, et elle ne sortait de ce songe que si un détail inévitable la forçait d'agir, comme à l'arrêt du coupé la main d'Alfred lui secouant le bras et sa voix lui disant « Nous sommes arrivés ». La stupeur du sursaut d'un réveil passa dans ses yeux, et elle reconnut la porte des Malours. La maison était au fond d'une cour, un de ces anciens hôtels comme il s'en trouve encore dans cette partie du faubourg Saint-Germain, avec des échappées par derrière sur de vastes étendues de jardins, tandis que par devant, c'est la rue étroite, populeuse, bruyante. L'hôtel était loué par étages, et les Malours occupaient le second. Les hautes fenêtres brillaient derrière leurs stores à moitié baissés, et les ombres des couples s'y dessinaient en silhouettes mouvantes, noires sur les vitres lumineuses. Le père Malour, comme on l'appelait familièrement, était un professeur de l'école polytechnique, membre de l'institut et assez riche du fait de son père, le célèbre inventeur. Il avait 3 filles à marier et recevait tous les mercredis. 2 fois par an, il donnait une sauterie costumée. Ces soirs-là, c'était un branle-bas général dans l'appartement. Toutes les chambres étaient livrées à la fête, même le cabinet de travail du savant, et quoique ce fussent des pièces hautes et larges, elles suffisaient à peine au nombre des invités. On venait beaucoup chez les Malours. C'était d'abord un centre de réunion pour les anciens élèves du grand professeur, séparés par la vie. On y intriguait aussi derrière les portes, avec des personnages importants de l'Académie des sciences. Enfin, on s'y amusait, à cause de la jeunesse des 3 demoiselles et de la bonhomie du père, dont l'aspect, légendaire à l'école, était à lui seul un élément de gaieté. Il était énorme et court, avec des yeux perdus derrière des lunettes bleues, un collier de barbe d'un blanc verdâtre, des habits d'une coupe extraordinaire et un dodelinement continuel de la tête. Ainsi bâti, le vieil homme avait été jadis, prétendait-on, un ver galant, un chaud de la pince, disaient les élèves en bouffonnant. À 22 ans, il avait découvert un théorème qui portait son nom et multiplié depuis lors les mémoires après les mémoires. quand, fatigué de 14 heures de travail, il sortait le soir, il lui arrivait de suivre les jeunes ouvrières du quartier de l'observatoire où il habitait alors. Il accumulait, pour les séduire, les offres engageantes, mais il était si laid, si laid, qu'elle lui riait au nez, impudemment. Le savant regardait autour de lui pour s'assurer qu'on ne l'entendait pas, et comme suprême argument, il murmurait « Je suis Malour, l'auteur du théorème ». Avec le mariage, il était devenu un peu dévot, mais il était resté très gai, surtout quand il avait trouvé dans la journée quelques formules bien élégantes. C'était sans doute le cas ce soir, car il se tenait sur le pas de la porte, recevant les invités avec son plus cordial sourire, quoiqu'il ne reconnût pas une personne sur 10. Il n'avait aucune mémoire des visages. Auprès de lui bougonnait son ami intime, le professeur Moreau, un maigre et long calculateur, pessimiste autant que le père Malour était optimiste. Au moment où Madame Chazelle arrivait sur le palier, et tandis qu'elle laissait sa fourrure aux mains du domestique, les deux savants parlaient d'une dame qui venait de passer, aussi outrageusement décolletée que flétrie, et le père Malour disait à son ami « La géométrie ne vieillit pas, elle. Le carré de l'hypoténuse est toujours jeune. » « Quant à moi, répondit Moreau, je vois bien si une femme est borgne ou bossue, si elle marche droit ou si elle boite. Mais la différence qu'il y a entre la laideur et la beauté, je n'ai jamais pu m'en faire une idée. » Le piano jouait un quadrille. Le brouhaha du bal remplissait l'appartement. Malour serrait les deux mains à Chazelle, qu'il prenait pour un autre en l'appelant « Mon cher, mon très cher Arthur !» Hélène regardait les savants, dont elle venait de surprendre l'entretien, avec une étrange envie. Ceux-là, du moins, ne connaîtraient jamais cette torture continue et fixe qui rend incapable d'une pensée étrangère, d'une étude, d'une lecture, d'une conversation. Mais déjà, elle était aux mains de Madame Malour et ses trois filles, quatre personnes aussi déraisonnables les unes que les autres, et dont l'unique affaire était de se divertir. La mère était costumée en Catherine de Médicis, et les trois filles en bohémienne, en laitière et en paysanne cauchoise. Ces costumes sentaient le travail fait à la maison d'après des gravures de journaux illustrés, avec des étoffes de hasard, et il en était de même des toilettes portées par les amis de ces dames. Les hommes, de leur côté, semblaient gênés dans l'habit noir. Plusieurs avaient la mine de gens qui devront se lever le lendemain matin de bonne heure, et qui supputent que chaque appel du piano leur enlève un peu de leur sommeil. Les propos qui volaient dans l'atmosphère chaude étonnaient par le contraste. Des bouts de phrases frivoles alternaient avec des bouts de conversation à idées. Ne me parlez pas de ces nouvelles théories sur l'espace à plus de 3 dimensions. Mademoiselle, avez-vous beaucoup dansé cet hiver? Ah, le génie de Cauchy, sa puissance d'analyse! Maman, est-ce que tu me permettras de rester pour le cotillon? Alfred Chazelle était tombé sur un de ses anciens camarades et lui communiquait un projet caressé depuis longtemps, d'une algèbre nouvelle, celle de l'ordre, et Hélène, assaillie par les effusions des dames Malour, se disait que ce n'était guère la peine de s'être mise en frais de toilette. Grâce à l'éducation donnée par sa belle-mère et aussi à ses causeries avec M. de Kern, elle avait acquis des idées assez exactes sur la société. Elle comprenait la différence qui sépare les réunions véritablement mondaines de ces carnavals de la bourgeoisie tels que celui où elle se trouvait. Néanmoins, comme elle était délicieuse dans son costume bleu pâle et rose clair, comme elle lisait le triomphe de sa beauté dans le regard envieux de plusieurs femmes et dans le regard admiratif des hommes, elle s'abandonna de parti pris à cette sensation du succès, si grisante pour l'amour-propre féminin, même lorsque c'est un succès qu'on méprise. Et elle se mit à danser toutes les danses, afin d'user par l'activité physique la torture intérieure, et elle s'interrompait seulement pour aller jusqu'au buffet boire 2 doigts de champagne. Ce vin lui mettait un peu de mousse légère et pétillante dans sa tête, si fatiguée d'avoir trop pensé. Elle était ainsi debout auprès de la table du buffet, s'éventant d'une main et tenant de l'autre la coupe où blondissaient les dernières gouttes de cette boisson dont elle aimait le vague énervement. Son cavalier, un jeune homme insignifiant et assez correct, tout fier de l'avoir promené à son bras, essayait de causer. Il lui parlait de la pièce nouvelle, une comédie bourgeoise, dont M. de Kern s'était cruellement moqué un soir. Et Hélène répondait en vantant cette œuvre qu'elle avait trouvée jadis détestable sur la foi de son amant. Elle se voyait, rien qu'au nom des acteurs et au titre de la pièce, dans une loge auprès de lui, et une flamme courait dans son sang lorsqu'elle entendit soudain auprès d'elle une voix qui mit le comble à son émotion. Cette voix, mais c'était celle de M. de Varade, de l'homme qui avait exercé une si fatale influence sur la destinée de son amour, la voix de celui dont Armand lui avait jeté le nom au visage comme une insulte dans leur explication de rupture. Par quel mystère cruel du sort l'officier se trouvait-il là, presque à deux pas d'elle, qui causait sans paraître la voir? S'il avait pu réfléchir une minute, elle aurait jugé la présence de cet ancien élève du père Malour aussi naturelle que la sienne propre. N'était-elle pas à ce bal comme la femme d'un ancien condisciple de Varade? Elle aurait songé aussi que, vivant depuis des mois et des mois à l'écart du monde de son mari, elle ignorait les mutations des camarades d'Alfred. Mais dans l'état de surexcitation morbide où elle se trouvait, cette rencontre soudaine la frappa d'une sorte de stupeur presque épouvantée qui céda aussitôt la place à un nouveau passage de sa douleur intime, de cette affolante douleur qui lui donnait envie de crier à l'injustice comme on crie au feu et au meurtre. Sans plus faire attention à ce que lui disait son cavalier, elle regardait Varade avec une curiosité dévorante, comme si elle ne l'eût pas connu depuis des années. C'était un joli garçon à la taille mince et tout en muscles. L'opposition de couleur entre ses cheveux devenus presque blancs et sa moustache demeurée très noire donnait à sa tête fine une physionomie singulière. Un front bas, un nez busqué, des yeux un peu trop petits et rapprochés, l'éclat d'un regard où se lisait à la fois la bravoure et l'effronterie rappelait vaguement dans ce visage le profil de l'oiseau de proie. Les raideurs d'uniforme que prenait sur cet officier l'habit de soirée, porté militairement, achevait d'en faire, dans cette assemblée où prédominait la race fatiguée des hommes d'études et de bureau, quelqu'un à part, et qu'il fallait remarquer. Depuis l'audacieuse tentative de Bourges, Hélène n'avait jamais vu cet inquiétant personnage venir vers elle sans ressentir un obscur malaise, tant elle devinait en lui un ennemi capable de tout. Maintenant, elle aurait voulu, au contraire, que cet homme s'approchât d'elle, qu'il lui fît la cour comme autrefois. Oui, qu'il lui fît la cour. Elle ne serait pas, comme autrefois, naïve et niaise. La malheureuse, l'insensée, elle allait jusqu'à regretter sa conduite d'alors. Elle avait été une femme loyale. À quoi se lui avait-il servi? À en arriver à cette heure où il ne lui restait plus rien au monde qu'une inguérissable plaie, là, dans la partie la plus sensible de son cœur. Elle but quelques gouttes de champagne encore pour s'étourdir, et Varade, qu'elle ne quittait pas des yeux, se tourna de son côté. La voyait-il pour la première fois ou bien avait-il affecté de ne point la remarquer? Il s'inclina et vint la saluer avec cette expression à la fois ironique, respectueuse et glacée par laquelle il l'abordait à Bourges, et au lieu d'y répondre comme alors par une froideur égale, elle eut un éclair dans les yeux, un sourire sur la bouche. Elle lui tendit la main. Et tout de suite, après les premières formules de politesse, « Vous êtes de passage à Paris ?» demanda-t-elle. « Non, madame, à demeure, » répondit-il. « Voilà 4 mois que j'ai été nommé professeur à l'école de guerre. »« 4 mois, et vous n'êtes pas venu nous voir ?» fit-elle sur un ton coquet de reproche. « Mais j'ai eu de vos nouvelles, » répliqua le jeune homme, et en lui-même. Comme Paris l'a changé. Il la détestait profondément. D'abord parce qu'elle lui avait infligé une blessure d'amour-propre, et puis à cause de l'infamie dont il s'était rendu coupable envers elle. Il s'était vanté d'avoir été son amant, avec détails à l'appui, et ce n'était pas vrai, et il ne lui pardonnait pas à elle le tort irréparable qu'il lui avait fait. Ah, si cette calomnie-là était comme les autres, qui se formulent tout haut et qu'on peut étreindre. Mais non, elle court d'oreille à oreille et de bouche en bouche, jusqu'à ce qu'elle arrive à un homme qui eût aimé cette femme, et dont le cœur s'arrête, soudain paralysé par cette atroce incertitude, a-t-elle cela dans son passé? Le jeune officier, il faut le dire à sa louange, n'y avait pas vu si loin. Il avait cédé à la hideuse rancune de la vanité masculine, et ce fut encore cette vanité qui, devant l'accueil inattendu d'Hélène, lui fit prononcer tout bas un « tiens » interrogatif, et recommencer aussitôt la comédie d'amour jouée autrefois. Une valse résonnait, celle de Faust, car la seconde des demoiselles Malour était au piano, et celle-là, l'artiste de la famille, aimait que l'on dansât sur des motifs de maître, tandis que l'aînée et la dernière, qui se piquaient d'être des parisiennes renforcées, raffolaient de la musique canaille, des airs d'opérette et de café-concert. « Me ferez-vous l'honneur, madame, de m'accorder cette valse ?» demanda Barad à Hélène. « Étais-je ou n'étais-je pas engagée ?» dit celle-ci. « Tant pis, je vous rends votre liberté, » ajouta-t-elle en s'adressant au jeune homme qui l'avait accompagné au buffet, mais qui, par timidité, n'osa rappeler la promesse qu'elle lui avait faite de danser avec lui, et déjà elle tournait dans le grand salon entre les bras de Barad. Elle tournait, plus jolie encore avec le rose de la fièvre qui lui colorait les joues, et leur donnait une nuance pareille à celle de ses bas, de sa jupe et de son corsage. Les deux mouches du coin de sa joue, ses yeux noirs et ses cheveux poudrés, la revêtaient d'une grâce souveraine qui remuait dans le cœur du jeune homme et à côté de l'amour-propre d'anciens désirs. Il lui parlait tout en dansant, elle l'écoutait, contraste étrange, avec l'image d'Armand devant sa pensée. « S'il me voyait, se disait-elle, il n'aurait plus de doute, il triompherait. Eh bien, qu'est-ce que cela me fait ?» Cette singulière soif d'agir exactement à rebours de son être intime, qui, léger et superficiel, se nomme le dépit, s'exaltait dans cette âme malade jusqu'à l'égarement, et elle écoutait avec un sourire de complaisance les discours que lui tenait Barad. Ce dernier, assez habile pour deviner qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire dans l'esprit de Madame Chazelle, et trop désireux d'une revanche pour ne pas profiter de l'occasion d'où qu'elle vint, s'était remis à lui parler de ses sentiments. Il lui peignait en termes passionnés son désespoir à Bourges quand il lui avait déplu, ses vains efforts pour se consoler et qu'il n'avait pas voulu se marier à cause d'elle. Il lui laissait entendre qu'elle était la seule femme qu'il eût aimée, et qu'il avait demandé une nomination à Paris uniquement pour la retrouver. Jamais il n'avait osé lui en dire autant à l'époque de leur première relation, et avant son assaut brutal. Mais à tous ses mensonges, pris et repris durant cette première valse, puis dans les contredanses qui suivirent et dans les repos du cotillon qu'ils dansèrent ensemble, elle répondait par ces petites interjections de doute qui encouragent aux aveux. Elle avait comme un délire de coquetterie. Elle appliquait à ce flirt d'une soirée la fièvre qui la dévorait. Aussi, quelques heures plus tard, l'officier, revenu dans le petit logement qu'il habitait rue Saint-Dominique, une suite de chambres dont deux seulement étaient meublées et les autres remplies d'uniformes, d'armes et de grandes bottes, se jurait, en se déshabillant, de mener cette affaire tambour battant. De son grand-père qui avait servi sous l'empereur, Barad tenait cette maxime qu'il faut toujours tout oser avec les femmes dans toutes les circonstances. Aussi, quand il posa sa tête sur son oreiller avant de s'endormir, sa résolution était-elle prise d'essayer d'avoir Madame Chazelle n'importe où, fût-ce sur le canapé de son salon, au risque de l'entrée d'un domestique. Et cette fois, elle n'échappera pas. Elle est toujours à la maison, m'a-t-elle dit, de 2 heures à 4. À demain, ajouta-t-il, et il ferma ses yeux sur ce doux espoir de réparer l'ancien outrage. Oh, la pauvre Hélène! Tandis que cet homme, au-devant de l'audace duquel la folie de l'injustice subie l'avait jeté, s'endormait sur ce dangereux projet, elle veillait, elle, en proie à ses souvenirs, dont chacun la précipitait vers quelque action de démence. Son mari avait eu la malheureuse idée de lui dire, en rentrant rue de la Rochefoucauld, au sortir de la soirée des Malours, « Je croyais que Barat était si antipathique, et tu n'as guère dansé qu'avec lui. Est-ce que tu en es jaloux ? » avait-elle demandé brusquement. « Non, » avait-il répondu, « mais comment peut-on changer ainsi d'humeur envers les personnes ?»« Je suis comme il me plaît d'être, » avait-elle répliqué. On lui aurait défendu de se jeter à l'eau, à cette seconde-là, que par rage de contradiction et pour soulager ses nerfs, elle aurait couru à la Seine. Rentrée dans sa chambre, elle se sentit si malheureuse qu'elle ne se déshabilla même pas. Jusqu'au matin, elle se promena, vêtue de son costume de bal, et le vin de champagne qu'elle avait bu, l'étourdissement de la fête, le fond de désespoir sur lequel son âme vivait depuis tant d'heures, tout se réunissait pour confondre sa raison. « Oui, se disait-elle à de certaines minutes, c'est celui-là qu'il faut prendre et non pas un autre, pour le moment, » ajoutait-elle, avec cette outrance dans l'imagination du mal qui soulage un peu le cœur durant les minutes noires. « Et quand je l'aurai fait, Quand je serai bien bas, dans la boue, alors j'oublierai peut-être, et puis ce sera fini, fini, fini. » Et quand son âme reculait devant l'aberration de ce monstrueux projet, avant de reprendre goût à cette honte vers laquelle l'entraînait un vertige, elle se représentait Armand, elle le voyait avec ses yeux, son sourire, elle entendait sa voix. « Est-ce que vous croyez que je ne connais pas votre vie ?»« Ah » faisait-elle alors, comme une bête blessée qui jette un cri. Et elle s'étendait sur son lit avec ce tournoiement sous son front malade qu'elle ne pouvait pas supporter. Elle eut au matin une heure d'un lourd sommeil, traversé de cauchemars. Vers 9 heures, elle se leva et dut vaquer aux soins de la maison, comme elle faisait, paresseusement, et son âme errant ailleurs. Une extrême fatigue l'avait envahie, et comme une mollesse d'agonie. Après le déjeuner, elle remonta dans sa chambre et, malgré elle, ses mains ouvrirent le coffret qui contenait les lettres d'Armand. Il n'y en avait pas 15, elle les compta, et les plus longues étaient de 2 pages. Elle les relut, comme cela lui arrivait presque chaque jour, et leur sécheresse lui apparut pire encore que les autres fois. Toutes les phrases de ses billets pouvaient être citées sans compromettre celles à qui les billets étaient adressés. Pas une, donc, qui eût été tracée dans un moment d'abandon et pour déverser un trop-plein du cœur. Elle avait cru jadis qu'il lui écrivait ainsi par respect de son repos, et elle lui en avait été reconnaissante. Naïve, naïve. Il lui écrivait ainsi parce qu'il ne l'aimait point, parce qu'il ne l'avait jamais aimée. Et pourquoi l'eût-il aimée, la jugeant comme il faisait? À ses yeux, qu'était-elle? Une femme comme toutes les autres? De quoi ne la croyait-il pas capable? Peut-être de se servir de ses lettres contre lui? Son âme saignait de nouveau à toutes ses places. Ah, comment guérir? Comment guérir? Et comme elle se posait cette question pour la 100e fois, le domestique entra, lui demandant si elle voulait recevoir monsieur de Varade. L'officier s'était tenu parole et n'avait pas tardé d'un jour à profiter de la permission qu'elle lui avait donnée de la venir voir. « Faites entrer au salon, » dit-elle. Brusquement, le souvenir de l'injustice d'Armand se réveilla plus aigu, et la crise de douleur qu'elle venait de traverser aboutit à un de ces passages de fureur où elle ne savait réellement plus ce qu'elle faisait. Elle alla dans son cabinet de toilette. Avec un peu d'eau, elle effaça la trace de ses larmes, car dans les moments où elle reprenait un par un les détails de sa misère, elle pleurait sans presque s'en apercevoir, et comme aliénée à force de chagrin, elle descendit dans le petit salon. « Que c'est gentil à vous d'être venu me tenir compagnie, » dit-elle en tendant la main au jeune homme. Volontairement, elle le fit asseoir dans le fauteuil en face d'elle, celui où s'asseyait d'ordinaire M. de Kern. Lui avait-il assez menti à cette place? L'avait-il assez méconnu? Il lui sembla qu'elle s'en vengeait à cette minute par cette profanation de leur commun souvenir. Elle prit place elle-même sur la chaise longue posée obliquement contre la cheminée où brûlait un reste de feu. Elle regardait Varade avec des yeux qui ne le voyaient pas, mais lui, tout en commençant de causer, l'observait avec beaucoup d'attention. L'égarement évident qu'elle montrait, la rapidité presque incohérente de ses paroles, le je ne sais quoi d'énervé qui se manifestait par ses rires, ses gestes, ses mouvements de tête, tout dénonçait une femme à moitié hors d'elle-même. Varade s'était dit la veille pour expliquer sa coquetterie au bal des Malours. Elle veut rendre quelqu'un jaloux. Puis il n'avait trouvé personne qui eût près d'elle une physionomie d'amant blessé. Dans le demi-jour du petit salon, il se disait « C'est elle qui est jalouse et qui a envie de se venger. » Et insensiblement, il faisait glisser la conversation sur la même pente que la veille. Il lui parlait de nouveau de ses désespoirs et de ses mélancolies. Elle l'écoutait sans presque lui répondre, avec l'idée de l'indignation qu'éprouverait Armand malgré tout, s'il la voyait à cette minute. Varade, cependant, se raisonnait. « Qu'est-ce que je risque? D'être mis à la porte, encore une fois, comme un bourge ?» Et décidé à profiter du trouble où il la voyait, il se leva pour venir s'asseoir sur la chaise longue à côté d'elle en lui disant « Ah, je vous ai bien aimé !» Elle se tourna vers lui avec cette expression de délire qu'il prenait pour la rage d'un dépit, et il la saisit dans ses bras. Fût-ce la sorte d'aberration momentanée qui nous fait accomplir à de certaines minutes des actes où plus tard nous ne nous reconnaissons pas, fût-ce la domination d'une volonté froide et fixe sur une volonté malade, pour quelle part entra dans cette faiblesse la frénésie de l'abaissement, la folie de sa propre perte qu'avait hanté cette pauvre âme la veille encore, toujours est-il qu'elle ne se défendit pas contre l'étreinte du jeune homme. Il fut plus hardi et elle lui appartint complètement. Oui, dans ce même salon où elle avait eu horreur jadis de se donner à celui qu'elle aimait, hélas, elle se laissa prendre par celui qu'elle n'aimait pas. Et ce dernier fut à la fois stupéfié de l'aisance de sa victoire et de l'insensibilité de cadavre rencontré chez cette maîtresse inattendue à laquelle il ne pensait même pas 24 heures auparavant. Varade était partie depuis longtemps, le soir tombait. Hélène restait toujours à la même place, assise sur le même coin de chaise longue, comme morte. L'énormité de l'événement qui venait de s'accomplir avait soudain dissipé l'hallucination dans laquelle la douleur la faisait vivre depuis ces quelques semaines. Et quoi? Elle était la maîtresse de M. de Varade, elle, Hélène Chazel. Non, ce n'était pas vrai puisqu'elle aimait Armand. Où était-elle? Qu'avait-elle fait? Poussée par quelle folie? Et à travers la suprême horreur qui s'empara d'elle à se retrouver vivante et que tout fut vrai, une idée subite lui monta dans l'esprit, celle de revoir Armand. Pourquoi? Elle n'eût pas pu le dire précisément, mais ce désir venait de fondre sur elle, irrésistible. Elle sentait qu'il fallait que ce fût, et non pas demain, non pas ce soir, tout de suite. Il fallait qu'elle lui parlât. Dût-elle s'enfuir de sa maison pour le retrouver où il serait? Mais à tout prix elle le verrait. Était-il revenu à Paris? Elle allait bien le savoir. En 10 minutes elle eut passé une robe de ville, un chapeau, demandé un fiacre, et grelottante de fièvre dans un coin de ce fiacre, comme tout était changé depuis le jour où une voiture semblable l'emportait à son rendez-vous, elle se dirigeait vers la rue Lincoln.